Lors du match entre les Saguenayens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan vendredi, on avait organisé un point de presse entre la deuxième et la troisième période. Question fut un peu de faire le bilan de cette grande réussite qui a eu lieu à Roberval. Le président du hockey mineur de Roberval, Hugo Maltais, était présent, de même que le vice-président hockey des Saguenayens de Chicoutimi, Marc Denis, que vous connaissez bien, est analyste à RDS. Et on écoute ce que ça a donné. Très content de l'activité. On peut voir, là, l'aréna est pleine, les gens ont répondu. C'est une très belle activité, c'est une belle initiative des Saguenayens. Je les remercie. En passant, j'en remercie M. Marc Denis. Et écoute, c'est une fierté pour nous autres d'avoir là, l'aréna pleine pour nos deux jeunes de Roberval et de Mastéliache. Avec le succès de l'événement de ce soir, est-ce qu'on peut penser à ce que ça revienne l'année prochaine ou que ça devienne une tradition pour le futur? On espérerait, mais on ne sera pas égoïste. S'il y a d'autres hockey mineurs dans la région qui veulent l'avoir, je pense que c'est important que tout le monde puisse avoir les Saguenayens, c'est une fierté pour la région. Donc, on va laisser notre tour s'il y a des gens, mais si l'occasion se représente, c'est certain qu'on va répondre présent. Marc, tu disais que c'était pas nécessairement évident, justement, de voyager à travers la Ligue. La Ligue est quand même pas si souple que ça. Mais avec le grand succès, est-ce que vous allez être un petit peu plus agressif, là, si tu peux avoir une expression à propos de ça? Nous, de notre côté, on est hyper satisfaits aussi. La Ligue a collaboré en assouplissant certains des standards, mais l'organisation du groupe, puis nous autres, on en a des standards aussi qu'on voulait respecter, puis on est très contents de ce côté-là. C'est trop tôt pour s'avancer pour ce qui est du reste, mais c'est sûr qu'un succès. J'avais mentionné, je pense, dès le départ, que ce qui est important pour moi, c'est que toutes les parties impliquées soient gagnantes. Que ce soit les Cataractes de Shawinigan, les Saguenay de Chicoutimi, la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec, ou surtout, encore et avant tout, le hockey mineur de Roberval, je pense que tout le monde peut dire qu'il en sort gagnant d'une activité comme aujourd'hui. Est-ce que le fait qu'il y ait eu, par exemple, quatre joueurs régionaux a influencé quelque peu l'arrivée de Shawinigan versus les Saguenayens ici à Roberval? Disons que les planètes étaient alignées. Un horaire qui nous permettait d'avoir un match pré-saison ici contre les Cataractes dans la région. La collaboration, évidemment, de Samuel et de Louis-Philippe qui sont des vétérans, mais qui voulaient pas manquer ce match-là. Puis la collaboration des entraîneurs aussi. C'était peut-être pas évident de pouvoir deviner que Jérémy Fortin et que Jean-Simon Bélanger allaient être encore présents, être là au camp et en mesure d'être sur la patinoire. Fait que la collaboration de tout le monde là-dedans a été un. C'est sûr que les astres étaient alignés. Le mariage était peut-être un petit peu plus facile là, de ce côté-là à faire. Puis ça prenait quelque chose comme ça pour relancer ce type d'activité-là qui n'avait pas été fait depuis longtemps pour les Saguenayens. Oui. Est-ce que vous avez été surpris que les billets partent aussi vite de la grande popularité? Au départ, on a été surpris. Parce qu'on ne se le cachera pas, on s'est questionné à savoir est-ce que ça allait être, pour les implications financières que ça apportait. Au début, on est un petit milieu, on n'a pas beaucoup de place dans l'aréna, on a hésité, mais écoute, dans une avant-midi, les 1000 billets se sont vendus. Donc, on s'est fait reprocher de ne pas avoir été capable d'en donner à tout le monde, puis faire des points de service. Mais notre premier point de mire, c'était les jeunes du hockey mineur de Roberval. C'était important que les jeunes, c'est nos membres, puissent être là en premier, puis ça l'a bien répondu. Donc, un avant-midi, 1000 billets, on est heureux. Est-ce qu'il est trop tôt pour dévoiler des chiffres de profits qui vont être remis à l'organisation du hockey mineur? Est-ce que vous savez un petit peu? Approximativement, là, on va parler autour de 6 000 qui va rapporter au Sabre de Roberval. On sait déjà, nous autres, qu'avec notre 6 000 de cette activité-là des Saguenayens, ça va être investi. Toutes les sommes vont être investies dans les chandails, dans les nouveaux chandails pour l'hockey mineur de Roberval. Donc, pour nous, ben, c'est un cadeau. Là. On va habiller là, des jeunes de Pee-wee, Bantam, Midget avec là, cette activité de financement-là. Pour Marc, maintenant, l'activité de ce soir, ça représente un petit peu le souhait des Saguenayens de se rapprocher du lac Saint-Jean. Oui, aussi. C'est sûr que c'est un processus qui est enclenché. On en a parlé dès notre arrivée. On espère que dans les prochaines semaines, on va être capable de continuer dans ce processus-là. On sait qu'il y a un conseil d'administration qui va être nommé éventuellement aussi. Les gens du lac, oui, bientôt. Les gens du lac Saint-Jean ne seront pas oubliés. Alors, oui, ça fait partie de ça, mais aujourd'hui, au-delà de quoi que ce soit de stratégique, c'est aussi une implication du côté de l'organisation, un désir de se rapprocher des hockey mineurs à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Encore plus que de se rapprocher du lac, du Saguenay ou de faire de la business. Aujourd'hui, les grands gagnants, tout le monde est gagnant, mais les grands gagnants, M. Maltais vient de le dire, 6 000 $ là, pour le hockey mineur, c'était peut-être même au-delà des espérances au début. Puis ça, on en est hyper fiers. Puis la contribution qu'on a pu apporter là-dedans, tant mieux. Très complet pour moi. Côté hockey, Marc, es-tu content du rendement des Saguenayens depuis le début du camp d'entraînement? Oui, je vais laisser Yannick faire son bilan, évidemment, mais tu sais, à titre de vice-président qui chapeaute tout ça, je suis très satisfait de comment tout se passe, à quel point on a respecté le plan au niveau du département hockey. Deux repêchages complets maintenant où on voit que le talent des jeunes est indéniable. Des vétérans qui se sont présentés avec la bonne attitude, puis un personnel d'entraîneur et direction hockey qui fait le travail. Alors, je ne pourrais pas être plus satisfait. C'est sûr qu'on n'a pas gagné et qu'on n'a pas perdu de points au classement encore. C'est sûr. Mais t'es dans le bain vraiment depuis le début du camp. Oui. Comment tu trouves ça? Parce que c'est quand même un petit peu une première fois. Là, pour oui. Je suis très satisfait, mais pour ce qui est du reste, là, je vais être un petit peu égoïste. Puis c'est contre ma nature, mais j'apprends énormément. Okay. Alors, j'espère être capable d'en apporter un peu d'expertise ou d'expérience, mais moi, j'en apprends beaucoup dans les rouages d'un camp d'entraînement d'une équipe de hockey junior majeur. On parlait de la Ligue tantôt, de la Ligue, comment ça se passe. Fait que j'en apprends énormément. Puis pour moi, en tout cas, c'est enrichissant. Marc, tu étais le gardien de but lors du match de 2008 à Hockeyville. Oui. Je disais à quelqu'un, quand tu penses à ça, c'était surréaliste que la Ligue nationale de hockey vienne à Robertval. Là, maintenant, tu reviens dans un rôle de... Comment tu trouves ça? Je suis en train de penser que j'ai un lien spécial avec Robertval. c'est vrai, pareil. Écoute, mais oui, j'étais là, puis ça a été mon premier réflexe quand j'étais pas loin en arrière de l'autobus. Là, je venais avec mon véhicule, puis quand j'ai vu l'autobus, on était stationné sur la même place, c'était Canadien, fait que tout de suite, puis je me rappelle très bien, puis dans le fond, j'aurais dû savoir que l'appui de la ville, l'appui des gens allait être là, parce que je me rappelle que ce matin-là du match, on avait patiné devant une salle comble pour l'entraînement matinal. Écoute, c'est clairement un marché de hockey, c'est clairement la fibre, on vibre là, ici à Robertval, puis on le voit, là, que ce soit les Cataractes ou les Saguenayens qui marquent, il y a un enthousiasme, on vraiment, écoute, oui, ça m'a rappelé des souvenirs. Merci beaucoup. Merci.